Il existe des rentrées aussi tristes que celle-ci. À la rentrée Suzuki. TS-125, une super machine pour la rentrée. Une petite Suzuki pour une rentrée pas triste. Suzuki chez Nippon Automoto à Mamao.